mbokk yi assalamu alaykum ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jamm ci jotay xabar yi gënoon na fess ci ay bëss yi ñu genn ci Sud FM seen radio Boubacar Boly fass yene leen ka jotali Jay ba siñu genn meeting bu opposition bi amalon ci aljuma gi ci place de l'obélisque mo ci gëna feus ay waxtu yu bari bari maître Ablaye Wad nek ci ay discours mu ci gëna feus di ay artu ay laaje ki tuuma ci kaw Macky Sall ak ñoñam maître Ablaye Wad gis na dal top gi ñuy top ñamu andalon ñu japp ne dañu lubal alalu rew mi motax nguru Macky Sall gi tagatembe demul jikul Amadou Mustapha Dia meeting bu PDS bi mu dina am fa la ci place de l'obélisque fossane ni mbattu mu tak ñi gaddu ay pancarte ñi yoré ay mbip ñi la daldi solo sax ay yere yo xamne dañ ko defare ay kete yo xamne affichu Karim Wad mo mu melni askan wi ñoo nañu wuyu ngir da deglu li nga xamne Ablaye Wad bëggoon nañ ko yeggé Abdoulaye Wad bu mu jëlé kaddu gi dem na sax bay xuppu ngo gi nako su fekkon say dilé bëgg na fanani palé dina ko Aujourd'hui, nous qui sommes là, je décrète que nous allons passer la nuit au palais, nous irons au palais. Rassi Dolli mi nga xamné né walu tragué bien ma ki bi gol Macky Sall ak ngouram né rubbe di deggu ci bouta go xamné mënu ñu xam fuñ ci La traque des biens mal acquis a conduit à Macky Sall dans une situation insoluble. Il voulait bien sortir Karim, mais il dit si je sors Karim, c'est la catastrophe. Si je le laisse en prison, c'est aussi la catastrophe. Bi le meeting tak der ñoko encadré won ci anam bu muccu ayib ndaxte amon nañu taxaway bu fess andak seeni jumtu kay dal di cadre zone bi nga xamne fa lañ doon amal bi le meeting te mu ngën tal ga ku nekk mu di nga ñibi jam ak salam discours maître wad bi tam amna ay mbir yu mu ci feñal di len ci tumal bokku na ci mbiru pétrole Sénégal ak mbiru contrat keur liguey kay bi di ArcelorMittal mom maître Ablaye Wad bëgg na dal Macky Sall tontu ko té sax jox nako app bu ñetti fan awa jawa élection 2015 nonu nak ki di Abdoulaye Wad bëgg na gëna gattal mandawu président Macky Sall digal nako kat mu daldi joggé ci nguur gi wané ni télé na su ko deful mu daldi randal ci élection yi ba atum 2015 ngir mu dakkal cionay askanu Sénégal di dundé discours bo xamé ni si nak bari na lool ay tuuma yu ñu tek ci président Macky Sall ak nguur gi mu jité Abdoulaye Wad laaj sax Macky Sall mu indil ay léral ñi nga xamné si ñom ñoo nek wa Sénégal ci mbirum Arcelor Mittal ndax te kat neena neub nañ len ci lu bari contrat bi am digënté ArcelorMittal ak nguuruk Sénégal mënon nako jural koppar bo xamé ni si soréna lool ak li nguur gi déclaré muy dankaf sax Macky Sall dal ko ni nak na siwel contrat bobu ci journal officiel ndax te bari na ay leunt leunt yu ci nek Abdoulaye Wad jëlati yenen tuuma tek ko ci kaw ndoddu ki nga xamné si nek nak ci rak ci président di Alioune Sall neena mom kat jox nañ ko ben permis d'exploitation ci mbirum pétrole bi gannaaw bu mu lako ci benn société néna ak permis bobu day Alioune Sall dana ci am ay action ci témèr bu nek fanwer ya ki di Abdoulaye Wad néna nak fanwer yoyu day nek ci yoxoy Alioune Sall nañ ko jël deloko ci nguur gi ndax té lolu day njoot njaaj le gëna niru ki nekkon fi jitum rew di dankaf ki nga xamné si mom moko fi wootu dal ni kat bu somé bu francophonie bi wesso may nako ñetti fan ngir mu indil ay tontu yu leer ñi nga xamné si ñom ñoo nek askanu Sénégal ci ñaari mbir yoy nga xamné si bari na juut ndaj ak leunt leunt ndax té dara léru ci discours bi lé waxu politicien la lolé moy gis gisu madame Aminata Touré mom mi ñaalu ñañi yak xassati yu ci maître Ablaye Wad yëkëti Aminata Touré di waxu jigi ñu jublu ci lu yitel askan wi joko na ci ak awa jawa dafa melni dal comme téyé nañ suma dom nañu def élection lool dal la ma mbir mi gëna nur lool aussi dëgg yalla bokul ci manam li nan propos irresponsable élection 2017 lañ ko wara def buñ ci yeggé dañ nañ ko organiser waye dama japp rek né waxu politicien la ak waxu bay sayna waye nak lool dañ ko wara défaté ndax sénégalais aussi ñu leen yittel moy manam seeni soxla ci walu njang ci walu faju ci walu comme ak yu démé non man ma ngi invité opposition bi pour que ñu bayyi yak der bi ak tumal bi té wax ci li nga xamné moy soxlaay sénégalais bu féké ñom sen gis ci mengawul ak li gouvernement bi def ñu wax ko sénégalais aussi mën ko dégg def na né lolu moy di ñuy avancer lolu moy di gëna dëgeural sun démocratie wayé ni ma koy waxé damay vraiment regretté ci ñaawlu té sun débat bi wara wacc ci affaireu ay tumal war nañ ko gëna yëkëti 88 nak nonu lañ dan def opposition waye 2014 sénégalais lénen lañuy laaj ci leader politique maître Abdoulaye Wade ci bopam dafa bañ dal du wuy ji invitation Macky Sall mu ko wo mu ñew ci 15e sommet de la francophonie bi ñu nama amal fi ci ñim rew néna nak mënul bokku ci ay sommet ci waxtu wa nga xamantene dañu japp ay mbokam rawati na doom bi di Karim Wade tecc ci kasso lolé nak taxna ba secrétariat exécutif de l'APR di ko ñaawlu né dal maître Abdoulaye Wade mbiru doomam moko gëna soxal ko mbiru rewmi lolé nak wa APR ñuy ko fessel ci ben communiqué ay jappanté yu metti metti mo am ci ay bëss yi ñu genn fofé ci Padoua ci bañu amal opération de déguerpissement ajay kat yi mer bu futu né dal duñu dem tax sax ñu talon ay pneu baré tali gi wayé tak dér yi ñu nga fa won ngir téré lu ñu mel Ndey Fatim Lo ay jay kat yu mel bu futu di xal ay pneu ci digg tali bi li ñu fekk ci Padoua tak dér yi yor séni grenade rek yu mo xène taxaw tém di wajé songu jay kat yoyu lé jay kat bi di fessel meram mom gis na ni li yeb ngir bañ ñu liggey rek la Sall féré nañ ci mom du dëna ay jeune sama ñu di liggey emploi amul dara amul Sénégal lan lañ fi am yow dama la ko réew mi ba paré ngay jël ay say jeunesse di leen yaxal li buñ ko ré ban lañ jëm dëkk bo xamné amul développement ñu tok ba inédu matay li daw na yaram fuñ ko doon yaakaaré nak mom en tant que président de la République bett nañu lu upp ay milliards lañu fi yaax ay père de famille lañ xam nga ñu wacc sur le terrain xol ci bu fi wacc tay grand lof muy président Macky Sall dañ xam lu sori wul dara ñu liggéeyé ci entente Kadakar di dajalé mbali jifa marchand yi def Mamadou Diop kenn ci liggéey kat ya nénañu li marchand yi di def yépp mënalu leen yakal dara ci suñu liggéey depuis dem ci goudi ñu commencé tay aussi encore dañu ñëw parce que gis nañu liñ fi defoon dem ci goudi dafa déssone parce que xalé yi dañu ñoon attaquer sané ay xër am nay jaas ak faaka bu kenn xam liggéey bo gis boko tambalé donc top bu mu jeex tak biñu ñëw tay dañu renforcer suñu élément yi pour gis nga ya gi sax talibu te gëna taxaw ci suñu liggéey suñu sukkandiko ci agent yi liggéeyé en tente Kadakar dootu ñu sétan kenn tok di jaay ci voie publique bi manam ci nit ñi di doxé ñi di soxtan yi ci first step ñu ngi dëgg seen tank fañu ko téggoon kon dal dañuy woyal seen gréwu xifal donte ne sax seen jëwriñ dalalon na leen waye nak neñu lañ fa jëlé doyu leen élage bok mo yor seen kaddu ci micro Ndey Fatim Lo bi ñëwé waxtaan ak ñu baal wax leen liñ fa jëlé ñom lolu doy leen dañu gis ne da wax liñ doon wax taw rek lañu répété lañu xaar ñu dem xol mankay ñu am ci mankay yoy lañuy sukkandiku pour mëna jël ñom nak li leen jaaxal muy lolu depuis daaw ñoo koy wax te ñom yag nañ ci deg nak mëna tuñ xaar degem yag nañ commencé seen grève la fin ken waxu sa bëdd bi ñuy naan tamit dañuy xol li man ci ñu doll leen jël lolu mënul dal dugg ci seen bopp motax dal ñu ne dañuy wël seen xex Ngokki limo fi nekkon jotay xabaay bu nonu fess ci ay bëss ñu genn ci Sud FM seen radio Boubacar Boli don leen ko jotali di leen jaajeufal ci deglu bi dig dajje giber gi di ñëw